toujours pour l'amour qu'on devient fou. Ça doit être l'amour parce que c'est plein de fous tout partout. Comme si on avait tous peur de se dire qu'on a du mal à naître, se regarder mourir comme un sage. Dans les nuages, monte un étage, viens voir le paysage comme un sage. Existe.